marche dans ma ville en pensant. Je marche dans ma ville en pensant. Je marche dans ma ville en pensant. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je gagner mon pain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je combler ma faim. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je gagner mon pain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je combler ma faim. Seulement mon père, ma mère auraient une belle baraque. Qu'il y a des amis qui disparaissent pas un par un. Moi j'analyse autour de moi et déduque que je fume la patate. Car on s'est tous fait enculer et même par notre propre parrain. Pendant que les riches bouffent entre eux, il faut vivre dans le bonheur. Car ça fait pauvre et plus riche qu'un riche qui est pauvre de cœur. À quelqu'un qui ne fait pas le bien, non, on ne pardonne pas le mal. Toi pour ton image tu fais le bien, mais pourquoi tu fais du mal. La réponse à tout ça, j'aimerais bien la savoir. Les réponses à tout ça, j'aimerais bien les avoir. La réponse à tout ça, j'aimerais bien la savoir. Les réponses à tout ça, j'aimerais bien les avoir. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je gagner mon pain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je combler ma faim. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je gagner mon pain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je compter ma faim. Ma mère est salée comme les larmes de ma mère. Mais on se laisse aller corps et âme. C'est la merde, on continue à râler. Mais ça reste la même. Y'a plus qu'à s'affaler sur son canapé. Je vais dire dans la misère qui est directe. Pour t'en sortir même pas un geste. Je parle bien devant toi et puis derrière ils retournent leur geste. Marre de ces visages pâles, j'attendais le mirage. Tarde à force ma patience car avant le prochain virage. Ah on a la rage de vivre et même la rage de vaincre. Même mort d'un homme de soulever une encre. On a la dalle et pire qu'un groupe de vingt. On a des gueules énormes et de très gros ventes. J'ai fait un tour autour baptisé sur le compte de mes remparts. Je crois que je vais faire un casse. Ni plus tard non je me rends pas. Officier au rapport on t'a pas dit tout par rapporter. Pourquoi ton petit cul à la France as-tu apporté. La réponse à tout ça, j'aimerais bien la savoir. Les réponses à tout ça, j'aimerais bien les avoir. La réponse à tout ça, j'aimerais bien la savoir. Les réponses à tout ça, j'aimerais bien les avoir. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je gagner mon pain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je combler ma faim. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je gagner mon pain. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain. Comment vais-je combler ma faim. La réponse à tout ça, j'aimerais bien la savoir. Les réponses à tout ça, j'aimerais bien les avoir. La réponse à tout ça, j'aimerais bien la savoir. Les réponses à tout ça, j'aimerais bien les avoir. Je marche dans ma ville en pensant. Je marche dans ma ville en pensant. Je marche dans ma ville en pensant. Je marche dans ma ville en pensant comment va se passer demain.